Donc Allah Azza wa Jalla la fin par ce verset en disant à son prophète de constater justement avec stupéfaction de quelle façon les Yahoud se comportent. Un comportement marginal et un comportement répréhensible qui n'est pas bon. Du fait qu'ils ont préféré du fait que les Quraysh sont venus les voir et leur ont dit regardez ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait. Qui donc est meilleur? Nous, Quraysh, ou eux? C'est Kab al-Ashraf. Kab al-Ashraf. Il leur a dit vous êtes meilleur qu'eux. D'accord? Vous êtes meilleur qu'eux. Alors que les Yahoud Jaoum al-Din wal-Kitab, ils ont reçu le livre la Torah de Moussa. Et dedans, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses ashabs, ils sont cités. Thumma l'injil, kazalik, Mohammed, il est cité. Donc le Yahoud savait pertinemment que Mohammed, qui il était. Il savait qui il était et qu'il était sur la vérité. Cependant, le hasad, la jalousie et le higd, la rancune et le mépris qu'ils avaient pour lui, les ont sortis de l'équité au point d'aller d'aller dire aux kuffars de Quraysh vous êtes meilleur que Mohammed. D'accord? Ils ont fait le mudahana. Fausse politesse. Adam in sunnatihim. Et cette sunna, on la trouve aujourd'hui également chez des gens d'islam qui veulent tellement se faire bien voir des kuffars, s'intégrer dans le système des kuffars. On parle principalement de ceux qui sont en pays de kuffar, qui veulent leur part, leur privilège, agir de la même manière. Tu vas aller voir, être très gentil avec les koufars, Yahoud, Nasara, et autres, et être extrêmement rigide et dur avec les salafis. Toutes les critiques sont tournées vers les salafis. Et toute la douceur, la délicatesse, la bienveillance sont tournées vers les koufars. Tu vois? En disant, mais c'est pas ça l'islam. Cela kaza, c'est à cause de que kaza. D'accord? Ils sont une secte, ils sont ceci, ils sont cela. Alors que ça se termine que les salafis, ce qu'ils disent, ils n'ont pas inventé. Ça se termine que la pratique qu'ils ont, c'est la pratique, d'ailleurs, même le disent, la pratique ancestrale. Genre, pour eux, aujourd'hui, elle est plus à jour. Donc, tu reconnais qu'à minimum, on n'a pas inventé. Parce que la voie salafia, c'est une voie qui est une origine. C'est pas une chose nouvelle qui est arrivée à part la suite. C'est juste que pour vous, genre, l'islam, on dirait que c'est, l'islam, c'est comme, un corps humain, il doit se développer. Genre à l'époque du Nabi Sallam, c'était un bébé. L'islam, c'est un bébé, c'est un fœtus. Il faut qu'il grandisse maintenant. Il faut qu'il change. D'accord? Il change de nourriture. Le bébé ne mangeait pas de viande. Aujourd'hui, on mangeait de la viande. Le bébé, il ne marchait pas. Aujourd'hui, nous, on peut courir. Le bébé ne sait pas parler. Aujourd'hui, on a des téléphones portables pour appeler à l'autre bout du monde. Pour eux, ça change. On dit là. Donc, tu les vois, pour eux, vouloir changer l'islam pour pouvoir, justement, s'intégrer au mode de vie du kuffar. Car à les croire, on dirait que l'islam, il n'évolue pas. On dit l'islam, il évolue. L'islam s'accorde à chaque époque. Mais il s'accorde à chaque époque, ne veut pas dire changer le halal et le haram. Là, ce qui était haram à l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est en 2021. Ce qui était Sunna à son époque, c'est l'an 2021. Ce qui était halal à son époque, c'est l'an 2021. Cependant, nous, avec notre époque, on a des voitures, ça. On a des PC, ça. On a des téléphones portables, on prend l'avion. D'accord. C'est qu'on pas des moyens de transport en commun. Dans les maisons, on a, les femmes, elles ont des robots pour cuisiner. Dans son délit, ce qu'on délit. Les camis qu'on porte aujourd'hui, pour ceux qui les portent encore, c'est de nouvelles matières, mais c'est toujours le même concept, avec quoi qui couvre. D'au-dessus des chevilles jusqu'à au cou. Pas de problème. Le camis qu'on a aujourd'hui, à l'époque, n'était pas comme ça. Il n'y avait pas de boutons. Si, il y avait des boutons aussi. Bon, c'était pas le même tissu aujourd'hui. Des tissus, machallah, tissus d'été, tissus pour l'hiver. Alors qu'à l'époque, c'était que des tissus épais. On a évolué. Mais ils veulent, non, c'est pas ça qu'ils veulent dire. Ils veulent dire, mais salam, le hijab, khalas, aujourd'hui, c'est fini. Enfin, non, c'est pas fini. Pas fini. Pour te dire telle chose qui était haram à l'époque, La haine envers les Yahoud et Nassara, c'est fini. Non, c'est pas fini. C'est pas fini. Tout ça, c'est pas fini. La hijra, c'est pas fini. Le djihad, le jour où il sera en mesure d'être accompli, c'est pas fini. C'est ça qu'il veut dire par rapport à eux. Pour évoluer, c'est abroger. Nasr. Tu vois? Le nasr, l'abroge, l'abrogation d'un verset ou d'un hadith, d'un hukm, ça vient de la révélation. Yaqullah Azza wa Jal, اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. J'ai pas rajouté bonjour aujourd'hui votre religion. Depuis ce verset-là, la religion était finie. Il est antakum as-sa'a, c'est fini. Tu vas pas prendre, tu vas prendre un halal qui est haram ou un haram qui est halal, tu as pas le droit. Ça c'est ta sharia. Celui qui fait cela, il aura fait quoi? Il aura fait du shirk. Quand il sera entré dans le jugement d'Allah Azza wa Jal. Comme l'ont fait justement les Nasara, les Yahoud avec leurs prêtres et leurs rabbins et leurs curés. Donc tu vois ces gens-là aujourd'hui, qui apparentent à l'islam, on dit le plus gros ennemi, c'est le salafi. Le plus gros ennemi, c'est le salafi pour eux. Parce que le salafi, justement, apporte une vision de l'islam réelle qui met fin à ses projets de dunya. Donc ça l'énerve, ça l'agace. Donc il va s'allier avec les Yahoud, Nasara, pour faire mettre fin au salafi. Ouvre une nouvelle église, ils sont contents, ils viennent pour l'inauguration. Un musulman salafi, il s'ouvre, ils font tout pour le fermer. Ils vont inviter le père Robert, d'accord ? Le père Robert sera invité à faire une conférence dans leur mosquée à eux, pour leur dire, dans leur assemblée. Par contre, cher Fulham Salafi, là, tu viens pas, tu n'as pas moyen. T'es interdit du territoire. Tu veux pas de ton pays chez nous. On veut pas de toi. Bien qu'à la base, le chien ne veut pas aller avec eux. S'il veut venir, il dirait, toi, tu viens pas chez nous, toi. Il n'y a pas moyen. Ah, Père Robert, il peut, mais Cheikh Foulen, il ne peut pas. D'accord. Demain, lui-même, il ne serait pas là. Pour la mosjid. Et un frère Sadafi, il vient. Il y a Takadum. Et il y aurait un frère Salafi qui Takadum pour être imam. S'il n'y a pas d'imam, jamais de la vie. On va dire, toi, tu restes derrière. S'il pouvait t'interdire le premier rang, t'interdire le premier rang. T'interdire toi, tu vas où? Sauf Akhir, pardon. Tu vas derrière toi. S'il pouvait même t'interdire le mosdit, le frère. Mais ils peuvent pas le faire. S'il pouvait le faire, le frère. Mais, voilà. Sauf que c'est Aïb, faut pas faire ça. Donc pour te dire que cette sunna de faire préférer de faire preuve de gentillesse envers le koufar au détriment des gens qui ont le haq, c'est la sunna de Yahoud. Et qu'aujourd'hui, les gens l'appliquent. Avec les gens de la sunna, malheureusement. Non.